Prime Video présente l'ultime création, le documentaire événement. C'est le bon moment. Pour la première fois, Mylène Farmer se dévoile. M'approcher de vous, plus près. L'air est lourd de ton absence. De plus en plus près. L'air est sourd à nos sentiments. L'ultime création, le documentaire événement. Je marche et hop, après je commence à marcher plus vite et je m'envole. Disponible le 25 septembre, exclusivement sur Prime Video. Si faire de la philosophie, c'est apprendre à mourir, selon la formule de Montaigne, est-ce que la philosophie peut aussi nous apprendre à vieillir? De la vieillesse, les philosophes parlent peu. Cicéron la mentionne, Lévinas l'évoque, mais une seule la saisit comme un objet d'étude philosophique, d'où est sorti un essai monumental de près de 800 pages. Et cette philosophe, c'est... Petit à petit, il y a eu des renoncements physiques qui sont venus, par exemple, de plus faire de marche à pied. Je me suis aperçu que je ne pouvais plus monter, que je pouvais encore un peu marcher. Enfin, des tas de petites choses comme ça, que j'ai acceptées petit à petit et que je continue d'accepter. Et je sais qu'il y en aura encore d'autres, ma vue est moins bonne. Enfin, il y en a d'autres qui me menacent un peu. D'ailleurs, il se pourrait que demain, je reprenne peut-être le désir violent de quelque chose. Si par hasard, j'avais brusquement le désir d'écrire un livre... difficile et long, mais un vrai désir, peut-être je me rejetterai là-dedans. Des choses peuvent arriver. I've got a strange philosophy. Nothing young appeals to me. I like my men like I like my whiskey. Some girls just can't seem to see why these little young cats ain't moving me. But I like my men like I like my whiskey, aged and mellow. There's nothing greenhorn can do for me, 'cause my older daddy suits me to a T. Now I like my men like I like my whiskey, ooh, aged and mellow. Bonjour Manon Garcia. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous depuis Boston. Oui, depuis Cambridge, Massachusetts, plus exactement. Eh ben, merci de jouer le jeu le temps d'une émission. Vous êtes philosophe, actuellement junior fellow à la Society of Fellows de Harvard. Et à partir du mois de juillet, depuis le mois de juillet, vous êtes assistante professeur à l'université de Yale, c'est ça? Non, à partir de juillet prochain. De partir de juillet prochain, vous le serez. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « On ne naît pas soumise, on le devient » aux éditions Climat. Et c'est avec vous que nous allons parler de ce texte méconnu de Simone de Beauvoir qui s'appelle « La vieillesse ». Vous avez entendu la voix de Simone de Beauvoir, c'était en 1978. Elle part de son expérience du vieillissement. Et on trouve les deux, en fait, dans le texte de Beauvoir. D'un côté, des récits d'expérience, que c'est que de se sentir vieux, du point de vue du vécu. Et de l'autre, comment on perçoit les vieux d'un point de vue extérieur. C'est, disons, la première chose qu'on peut dire sur la structure de ce livre qui n'est pas vraiment lu aujourd'hui. Oui, c'est assez intéressant, en fait, parce que c'est un livre de philosophie très massif, comme vous l'avez dit. Ça fait 800 pages. Elle prend à bras le corps un corpus extrêmement vaste. Elle propose des lectures d'ethnographie, d'histoire, de littérature, de philosophie. Et en fait, c'est vrai que c'est un texte qui a été assez peu commenté par les philosophes, même si ça a été un best-seller au moment de sa sortie. Et en effet, son point de départ, c'est de prendre en compte la dimension, ce qu'elle appelle la dimension objective de la vieillesse, donc comment la vieillesse est perçue dans les sociétés et dans l'histoire des sociétés, et la dimension subjective de la vieillesse, donc comment la vieillesse est vécue par les vieux. Et tout ça se fait avec une perspective politique, parce qu'en réalité, c'est un, comme le deuxième sexe d'ailleurs, et comme d'autres essais philosophiques de Beauvoir, c'est un livre qui est à la fois descriptif et normatif. C'est-à-dire que elle veut véritablement dénoncer ce qu'elle appelle la situation scandaleuse des vieux dans la société. Et pour ça, il faut connaître la vieillesse dans toutes ces différentes expériences, de manière objective et de manière subjective. Alors, on va lire ensemble ce livre ce matin, justement. Il est très important, il est très volumineux, mais il y a plusieurs choses qu'on peut retirer de cette lecture qui sont autant de points de pivot qu'on va essayer de restituer ce matin. Mais d'abord, deux choses. Un, comment expliquez-vous que ce texte en particulier soit un des moins lus, si ce n'est le moins lu de Simone de Beauvoir aujourd'hui? Et deux, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en fait, étudier ce texte-là, c'est en fait sortir Simone de Beauvoir de la seule théorie féministe? C'est vraiment une autre approche ici. Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est le sujet qu'elle traite. Et c'est d'ailleurs son point de départ de dire, moi, quand j'ai dit dans mes mémoires que je devenais vieille et que ça m'intéressait de parler de la vieillesse, on m'a dit, oh, quand même, la pauvre, c'est triste quand même. Vous n'êtes pas si vieille. Vous n'êtes pas si vieille, etc. Et donc, elle montre que la vieillesse est un sujet tabou, c'est un sujet dont on ne parle pas. Et donc, Je pense qu'une des raisons majeures pour lesquelles ce livre n'est pas lu, c'est que tout le monde trouve ça déprimant. Mais c'est justement ce dont elle veut parler, en fait, de pourquoi c'est déprimant, pourquoi on regarde pas ce que c'est que la vieillesse, alors que, et c'est par exemple sa théorie sur Beckett et sur Ionesco, elle montre que dans le théâtre de l'absurde, on comprend que la vieillesse est ce qui dit la vérité de la condition humaine dans toute son absurdité. Mais justement parce que c'est tellement repoussant cette absurdité de la condition humaine qu'on voit dans la vieillesse, on veut regarder ailleurs. Donc je pense que c'est une des premières raisons du peu de commentaires de cet ouvrage. Par ailleurs, évidemment, la réception de Beauvoir consiste à dire ou bien que c'était un peu une écrivaine à succès, voilà, les mandarins, elle a globalement raconté sa vie de manière fictionnelle ou autobiographique. Voilà, donc ça intéressait les femmes, en gros. Donc c'était pas très sérieux. Ou bien ça intéressait aussi les femmes, mais c'était une théoricienne du féminisme. Et en fait, quand on prend au sérieux la vieillesse comme ouvrage, on peut pas faire autrement que de la prendre au sérieux comme philosophe. Et donc je pense que ça fait partie des réticences des gens à étudier la vieillesse, c'est que tout d'un coup, on est obligé d'accepter que Simone de Beauvoir est philosophe, qu'elle n'est pas juste la disciple de Sartre, qu'elle n'est pas juste une théoricienne du féminisme, qu'elle est véritablement philosophe et qu'elle prend à bras le corps un sujet comme le font les philosophes, dont elle propose une analyse philosophique. Et ça, vous pensez que c'est pas acquis aujourd'hui? Il faut encore rappeler et affirmer que Simone de Beauvoir est une philosophe? Je pense que ça n'est pas acquis, mais que c'est en train de changer. Je pense que aux États-Unis et en Angleterre, ça fait 30-40 ans qu'il y a vraiment du travail philosophique fait sur Simone de Beauvoir, et maintenant elle est communément reconnue comme philosophe. En France, c'est en train de changer tout doucement. Depuis cette année, elle est au programme des auteurs de philosophie en terminale. Mais moi, j'ai vu dans la réception de mon livre, j'ai écrit donc ce livre « On n'est pas soumise, on le devient » en partie sur sa philosophie, oui, que ça suscitait vraiment des résistances. Et je pense que on a encore du mal à concevoir Sartre et Beauvoir comme deux entités différentes, ou en tout cas Beauvoir comme autre chose que la simple disciple de Sartre. Il y a une nouvelle biographie de Beauvoir qui a été publiée en anglais l'année dernière et qui va être publiée le mois prochain en français, qui s'appelle Devenir Beauvoir, et qui à cet égard est vraiment passionnante parce qu'elle montre comment les grands thèmes de la philosophie beauvoirienne, qu'on retrouve dans la vieillesse d'ailleurs, donc notamment cette opposition entre ce que c'est que d'être vieux objectivement et ce que c'est que d'être vieux subjectivement, est quelque chose qui est déjà développé par Beauvoir dans ses carnets de jeunesse quand elle a 18 ans, bien avant qu'elle rencontre Sartre. Et en fait, la publication des carnets de jeunesse permet de complètement reconcevoir la relation de Sartre et Beauvoir, de les concevoir comme des gens qui ont énormément de respect intellectuel l'un pour l'autre, qui parlent des heures chaque jour, donc évidemment qui s'influencent mutuellement, mais qu'elle a des positions philosophiques originales qu'elle développe déjà à l'âge de 18 ans et qui traversent véritablement son œuvre. Et je pense que cette biographie va jouer un rôle très important dans la considération de Beauvoir comme philosophe, parce que justement elle montre qu'il y a ces thèmes qui traversent l'œuvre, la question de la philosophie du temps, dont on va reparler sans doute sur la vieillesse, cette question de d'être soi pour les autres, la question de la philosophie du corps. C'est des questions fondamentales pour Beauvoir, la philosophie de la sexualité et de l'amour, dont elle parle énormément dans la vieillesse et qui, à mon avis, est un tabou sur lequel il faudrait revenir. Donc, je pense qu'en effet, la réception de Beauvoir comme philosophe est en train de changer, mais qu'on n'y est pas encore tout à fait en France. La biographie dont vous parlez s'appelle « Devenir Beauvoir, une vie de liberté ». Elle est écrite par Kate Kirkpatrick et la préface est de vous, Manon Garcia. Elle sera disponible en France le 28 octobre aux éditions Flammarion. Commençons la lecture de La vieillesse. Commençons par l'introduction, comme il se doit, des lignes limpides que voici lues par Bernard Gabay. Simone de Beauvoir explique pourquoi elle écrit ce livre. La raison est simple, elle veut briser la conspiration du silence. Oui, mais quel silence ? Pour la société, la vieillesse apparaît comme une sorte de secret honteux dont il est indécent de parler. Sur la femme, l'enfant, l'adolescent, il existe dans tous les domaines une abondante littérature. En dehors des ouvrages spécialisés, les allusions à la vieillesse sont très rares. Quand je dis que je travaille à un essai sur la vieillesse, le plus souvent on s'exclame « Quelle idée, mais vous n'êtes pas vieille ! Quel sujet triste !» Voilà justement pourquoi j'écris ce livre. Pour briser la conspiration du silence. La société de consommation a substitué à la conscience malheureuse une conscience heureuse et réprouve tout sentiment de culpabilité. Il faut troubler sa tranquillité. À l'égard des personnes âgées, elle est non seulement coupable, mais criminelle. Abritée derrière les mythes de l'expansion et de l'abondance, elle traite les vieillards en parias. En France, où la proportion des vieillards est la plus élevée du monde, 12% de la population a plus de 65 ans, ils sont condamnés à la misère, à la solitude, aux infirmités, au désespoir. Aux USA, leur sort n'est pas plus heureux. Pour concilier cette barbarie avec la morale humaniste qu'elle professe, la classe dominante prend le parti commode de ne pas les considérer comme des hommes. Si on entendait leur voix, on serait obligé de reconnaître que c'est une voix humaine. Je forcerai mes lecteurs à l'écouter. Bonjour. Pourquoi cette visite surprise ? Qu'est-ce qui se passe avec maman ? Rien. Qu'est-ce qui devrait se passer ? Tu peux pas te douter qu'on s'inquiète ? Votre inquiétude ne me sert à rien. Non, ne le prends pas mal, ne le prends pas mal. C'est pas une critique, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de votre inquiétude, voilà, c'est tout. Papa ! Non, arrêtons cette conversation. Ta mère, comme on pouvait le prévoir, va mal tout le temps. Elle est de plus en plus comme un enfant sans défense. C'est triste et humiliant pour elle comme pour moi. Et elle ne veut pas qu'on la voie dans cet état. Généralement, vers 5 heures, je me réveille. À cette heure-là, elle ne dort pas encore. On change la couche. Je lui mets de la crème pour éviter les escarres. Et vers 7 heures, j'essaie de la convaincre de manger et de boire. Parfois, ça réussit, parfois non. Parfois, elle raconte des choses de son enfance. Ou bien, elle appelle au secours pendant des heures. Et puis tout à coup, elle pouffe de rire. Ou elle pleure. Rien de tout cela ne mérite d'être montré. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la vieillesse cette semaine et aujourd'hui du livre du Simone de Beauvoir qui s'appelle La vieillesse. C'est un essai philosophique et c'est en compagnie de la philosophe Manon Garcia qui est avec nous depuis Boston que nous en parlons. Rien de cela ne mérite d'être montré. Ce sont des mots prononcés par le personnage interprété par Jean-Louis Trintignant dans le film de Haneke Amour. Est-ce que c'est ça que veut dire Simone de Beauvoir lorsqu'elle dit qu'elle veut écrire sur la vieillesse pour briser la conspiration du silence? Et ce silence-là, la vieillesse est tellement horrible qu'on préfère ne pas la montrer. Manon Garcia. Oui, je pense que c'est ce silence-là qu'elle cherche à briser, mais aussi un silence politique. C'est-à-dire que ce qui est frappant quand on met en parallèle le deuxième sexe et la vieillesse, c'est que la vieillesse est un texte très politique. Et c'est pour ça, quand elle dit l'attitude, dans le texte que vous venez de lire, l'attitude de la société est non seulement coupable, mais criminelle, qu'elle la qualifie ensuite de barbarie, on voit que c'est une position politique de la part de Simone de Beauvoir, et elle le développe notamment dans le quatrième chapitre qu'elle appelle « La vieillesse dans la société d'aujourd'hui », qui est vraiment une analyse sociologique de la vieillesse, où elle raconte qu'elle a visité des hospices, où elle raconte la violence du traitement social des vieux, de l'injustice des très faibles retraites qu'ils obtiennent. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi que ce livre manifeste sa conception de ce que c'est que l'activité politique de l'intellectuel. Et c'est pour ça, quand elle dit « si on entendait leur voix, on serait obligé de reconnaître que c'est une voix humaine, je forcerais mes lecteurs à l'écouter ».« Je forcerais mes lecteurs à l'écouter », c'est très fort quand même d'écrire ça. Voilà, c'est très fort. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir, on sent qu'elle se dit « quand j'écris un livre, les gens le lisent, et donc, parce que maintenant je suis reconnue, etc., et donc je vais me servir de mon privilège », qui est une notion très importante pour elle, je vais me servir de mon privilège de femme autrice très lue pour faire entendre la voix des vieux, pour faire entendre les injustices qu'ils traversent, pour faire entendre la façon criminelle dont la société les traite. Et donc, je pense qu'en effet, elle a à cœur de parler de la décrépitude du corps, tel que la décrit, enfin, du corps et de l'âme d'ailleurs, tel que la décrit Jean-Louis Trintignant chez Haneke, mais c'est important pour elle aussi de décrire la situation objective qui est celle des vieux à cause de la façon dont ils sont traités dans la société. Donc c'est vraiment un livre politique en même temps que c'est un livre de phénoménologie de la vieillesse et voilà, de philosophie de la vieillesse. Oui, c'est ça, il y a vraiment les deux aspects. Et d'ailleurs, d'un point de vue méthodologique, la vieillesse est une sorte de décalque du deuxième sexe. Hein. C'est vraiment d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur. Elle le dit tel quel. Oui, et en même temps, on a le sentiment, c'est difficile toujours de savoir ce qu'il en est réellement, mais qu'elle tire des leçons du deuxième sexe. Dans le deuxième sexe, elle a tendance à présenter l'expérience de la féminité comme une expérience unifiée. Et c'est d'ailleurs un reproche qui lui a été fait par de nombreuses féministes, de dire, en fait, c'est un féminisme blanc, bourgeois, puisqu'elle croit que toutes les femmes ont la même expérience de la féminité. Et là, au contraire, elle dit, en fait, il n'y a pas une seule expérience de la vieillesse, il n'y a pas une seule vieillesse. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'elle dit, en fait, on ne peut rien proposer d'autre comme définition de la vieillesse que la vieillesse, c'est ce qui arrive aux gens qui deviennent vieux. Oui. Parce que, précisément, c'est pas pareil d'être vieux, et elle insiste beaucoup là-dessus, quand on est riche que quand on est pauvre. C'est pas pareil d'être vieux au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, déjà parce qu'il y avait beaucoup moins de vieux. C'est pas pareil d'être vieux au moment de la révolution industrielle. Donc, elle a vraiment à cœur de prendre en compte la diversité des expériences de la vieillesse. Et en ça, c'est un livre beaucoup plus marxiste que le deuxième sexe, parce qu'elle insiste vraiment sur l'opposition entre les classes opprimées et les classes dominantes, et le fait qu'elles n'ont pas du tout la même expérience de la vieillesse, et que malheureusement, on a principalement accès à l'expérience subjective de la vieillesse des classes les plus privilégiées. Et c'est aussi une vraie différence, je pense, avec le deuxième sexe, que, et c'est ce qu'elle dit dans ce texte qu'on vient de lire, qu'on a pour les femmes accès quand même à une certaine idée de ce qu'elles peuvent faire comme expérience quand elles ne sont pas des écrivaines célèbres. On a certains, ne serait-ce que par des récits de médecins ou par des récits de sociologues, on a des sources sur les femmes qui ne sont pas les femmes les plus privilégiées. Alors que sur les vieux, en fait, on a très très peu de choses. Et elle ne cesse de soulever ce problème de méthode qui est un problème de source. Elle dit « je n'ai accès qu'à la vieillesse de Victor Hugo, de Montaigne, de Verdi. C'est difficile d'avoir accès à la vieillesse des autres gens parce que ils sont à ce point-là mis au banc de la société. » Je précise qu'il y a 21 ans qui séparent la publication du deuxième sexe et la publication de la vieillesse. C'est un livre plus politique, vous l'avez dit, mais on sent quand même dans le texte, dans les interviews qu'elle a données et dans les autres livres de Simone de Beauvoir et même du côté de la littérature, une préoccupation réelle et personnelle au sujet de la vieillesse. C'est pas simplement pour une dénonciation de la société dans laquelle elle vit et la mauvaise, le peu de considération dont les vieillards font les frais. C'est aussi quelque chose qui la préoccupe, voire qui l'obsède. Elle en parle beaucoup, Manon Garcia. Oui, c'est ça qui est assez intéressant en réalité, c'est que j'ai le sentiment, comme lectrice de ses mémoires, de ses romans, que c'est une des autrices et auteurs que je lis qui est le plus dégoûté par la vieillesse. La vieillesse et son immense crainte, on le voit dès les mémoires d'une jeune fille rangée, dès les carnets de jeunesse, vraiment, elle se dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui va m'arriver de pire que d'être vieille? Et ensuite, dans La force des choses, quand elle raconte l'arrivée de la vieillesse, qu'elle a 40 ans, que c'est vraiment terrible, et heureusement, Lanzmann arrive, et elle décrit d'ailleurs son histoire d'amour avec Lanzmann comme ce qui va cacher la vieillesse en train d'arriver, parce qu'elle est avec lui pendant sa quarantaine, et elle dit tout d'un coup, je me dis, non, mais en fait, je peux encore marcher, je peux encore... Parce que c'était une très grande randonneuse, elle marchait... Par exemple, quand elle a son premier poste à l'âge de 21 ans, je crois, à Marseille, elle part chaque samedi, chaque dimanche. Elle marche 14, 15, 16 heures toute seule dans les montagnes en espadrille avec deux tranches de pain et un peu de saucisson. Et elle était vraiment... Il y a peu de monde qui arrivait à la suivre. Sartre se plaint tout le temps qu'elle l'emmène faire des randonnées dont il n'est pas du tout capable. Et c'est une de ses grandes craintes de ne plus être capable de faire ses randonnées. Et avec Lanzmann, elle regravit des sommets, donc elle se dit « bon, ça va ». Mais au moment où Lanzmann la quitte, et je pense que on peut prendre en compte le fait que décrit Lanzmann lui-même dans « Le lièvre de Patagonie » qu'il avait, à l'égard des femmes âgées... une position qui est pas toujours très généreuse. Il dit que Beauvoir, elle savait bien qu'elle allait pas pouvoir faire le poids face à des jeunes femmes sexy, etc. Au moment où Lanzmann la quitte pour une femme beaucoup plus jeune, tout d'un coup, elle se prend la vieillesse dans la figure et c'est ce qu'elle décrit à la fin de La force des choses et qui l'a conduit à conclure La force des choses en disant « j'ai été flouée ». Et c'est une phrase qui a été extrêmement commentée à l'époque parce que on se dit au fond cette femme qui a une carrière incroyable, une vie incroyable, comment ça se fait qu'elle dit au sujet de sa propre vie, j'ai été flouée. Et en fait c'est la vieillesse qui lui fait dire j'ai été flouée. C'est qu'elle dit voilà j'avais toutes ces ambitions, tous ces désirs, j'ai vécu une vie très pleine et au moment où la vieillesse arrive, j'ai quand même l'impression d'avoir été floué. Donc en effet, c'est ça qui est très intéressant, c'est que son rapport à la vieillesse est quelque chose de très intime, c'est quelque chose qui la dégoûte en même temps. Et donc elle est dans une quête de réappropriation de quelque chose qui l'a en tout cas longtemps dégoûté et qu'elle se réapproprie voilà en 1970 au moment où elle est véritablement vieille elle-même. Je pense que quand j'étais plus jeune, comme justement je donnais à la vie un prix immense, infini, le fait que cette vie était quelque chose de précaire me semblait insupportable pour moi ou pour les autres, ou pour Sartre dans La santé m'inquiétait très tôt, ou tout ça me semblait insupportable de sentir les gens que j'aimais menacés. Parce que tu étais très très conscient du scandale de la mort. Absolument. Et du scandale même de la finitude. Oui, l'angoisse a disparu, et d'une certaine manière la colère. Mais contre qui rager? Il y a un mot de Freud que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu, quand il parle de la douleur physique à un moment, avec Louis Andréa Salomé, je crois. Et il dit qu'il considère que c'est une chose abjecte, et qui devrait vous révolter, vous mettre en fureur, si seulement on savait contre qui se mettre en fureur. Je ne peux pas me mettre en fureur contre Dieu à qui je ne crois pas, je ne peux pas me mettre en fureur contre mes cellules et contre mon corps qui sont ceux que tout le monde a à mon âge. Donc je n'ai aucune raison ni de rager, ni de... et non plus au fond de m'angoisser. Alors il n'y a plus, comme avant, la pleine lumière ou l'obscurité. Ça serait un peu plus dans des gris qui sont très souvent teintées de rose parce que j'ai encore beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Mais ça n'est plus cette chose tranchée entre précisément le bonheur et puis alors le désespoir inquiet. La vieillesse, de loin, on la prend pour une institution. Mais ce sont là des gens jeunes qui soudain se trouvent être vieux. Un jour, je me suis dit, j'ai 40 ans. Quand je me suis réveillé de cet étonnement, j'en avais 50. La stupeur qui me saisit alors ne s'est pas dissipée. Je n'arrive pas à y croire. Pour m'en convaincre, je n'ai qu'à me planter devant la glace. À 40 ans, un jour, j'ai pensé, au fond du miroir, la vieillesse guette. Et c'est fatal. Elle m'aura. Elle m'a. Souvent, je m'arrête, éberlué, devant cette chose incroyable qui me sert de visage. Je comprends la Castiglione qui avait brisé tous les miroirs. Il me semblait que je me souciais peu de mon apparence. Ainsi, les gens qui mangent à leur faim et qui se portent bien oublient leur estomac. Tant que j'ai pu regarder ma figure sans déplaisir, je l'oubliais, elle allait de soi. Rien ne va plus. Je déteste mon image. Au-dessus des yeux, la casquette, les poches en dessous, la face trop pleine et cet air de tristesse de la bouche que donnent les rides. Peut-être les gens qui me croisent voient-ils simplement une quinquagénaire qui n'est ni bien ni mal. Elle a l'âge qu'elle a. Mais moi, je vois mon ancienne tête où une vérole s'est mise dont je ne guérirai pas. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Dans la deuxième partie de son essai sur la vieillesse, Beauvoir décrira la crise d'identification qui résulte de la découverte de sa propre vieillesse. « On ne se sent pas vieux, dit-elle, il faut se regarder avec les yeux d'autrui pour se voir comme tel. » Mais 7 ans plus tôt, dans les dernières pages de La Force des choses que vous venez d'entendre, elle raconte la violence de ce décalage entre le sentiment qu'elle a d'elle-même et l'image de son corps que lui renvoient les autres et son propre miroir. C'est un texte glaçant, Manon Garcia, que nous venons d'entendre. Oui, c'est un texte très fort. Et y a encore quelques pages dans La Force des choses. Ensuite, elle parle de ce que c'est que la vieillesse qui lui infecte le cœur et... Et elle dit, la vieillesse, c'est le moment de jamais plus. Jamais plus, je ne gravirai cette montagne, jamais plus. Et c'est en effet très fort, et c'est très intéressant de mettre en regard ce texte et l'analyse de la vieillesse qu'elle propose dans Tout compte fait, donc 8 ans ou 9 ans plus tard, où là, elle dit, en effet, j'ai 63 ans et cette vérité me demeure étrangère. Donc elle est toujours dans un rapport d'étrangeté vis-à-vis de sa vieillesse, mais... Elle dit, au fond, c'est plus la fin du monde pour moi d'être vieille. Ça y est, je suis vieille. Ce qui est très difficile, c'est de prendre conscience du fait d'être vieille. Mais là, maintenant que j'ai 60 ans, c'est réglé d'une certaine manière. Et je pense qu'en effet, il faut mettre ça en regard avec cette description de la subjectivité de la vieillesse qui est très forte, qu'elle esquisse déjà en fait dans le deuxième siècle où il y a un chapitre sur la vieillesse et où elle qualifie la vieillesse comme l'expérience d'un dédoublement. Donc le terme de dédoublement est dans le deuxième siècle, et dans la vieillesse, elle parle d'une complexe vérité. Elle dit, je la cite, « Elle est un rapport dialectique entre mon être pour autrui tel qu'il se définit objectivement et la conscience que je prends de moi-même à travers lui. » En moi, c'est l'autre qui est âgé, c'est-à-dire celui que je suis pour les autres, et cet autre, c'est moi. Et ça, c'est vraiment très subtil, cette idée d'un rapport dialectique de la vieillesse, de dire, en fait, ce n'est jamais moi, c'est ça, tel que je me perçois moi-même qui suis vieux ou qui suis vieille, mais il y a quelque chose qu'elle appelle, un peu plus tard, le scandale intellectuel de la vieillesse, c'est que nous devons assumer une réalité qui en même temps n'est pas la nôtre et qui nous est à cet égard absolument insaisissable. Et elle contraste comme ça la maladie et la vieillesse. Elle dit quand quelqu'un est malade, en général, il se sent malade avant que les autres autour de lui ne le voient malade. Mais elle dit la vieillesse, c'est l'inverse. On se dit non, mais ça va. Et puis les gens nous disent dis donc, t'entends plus très bien. Ce serait peut-être bien que tu prennes des dispositions. Et elle dit la vieillesse, c'est quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Et qui apparaît comme un scandale, parce que ça ne correspond pas du tout à l'expérience qu'on en a. Et ça, je pense que c'est vraiment une expérience très largement partagée par les hommes comme par les femmes, peut-être plus par les femmes parce que l'aspect physique de la vieillesse leur coûte peut-être plus, mais cette expérience de se regarder dans un miroir en ayant l'impression d'avoir 20 ans et de voir une vieille personne dans le miroir qui ressemble un peu à l'image que l'on a de soi-même comme personne de 20 ans, est une expérience presque universelle, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça qui est passionnant dans ce texte. C'est lorsqu'elle dit que la vieillesse est construite comme l'autre de la société. Au fond, on peut retenir cette phrase-là. Elle dit « à 20 ans, à 40 ans, me penser vieille, c'est me penser autre ». Ben, ce qu'il y a de frappant, c'est que c'est déjà ce qu'elle disait de la femme dans le deuxième sexe. Comme si là, il y avait une sorte de télescopage entre la vieillesse et la femme. Être vieux pour les autres, être femme pour les autres. On est à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler l'essentialisme. Oui, et en même temps, ce qui lui semble encore plus fascinant, je crois, avec la vieillesse, c'est que, d'une certaine manière, les femmes n'évoluent pas de leur statut d'autre. Elles sont autres par le fait d'être femmes, elles sont définies par cette altérité, donc cette altérité prend différentes formes, mais elle reste l'autre. Alors que la vieillesse, c'est devenir autre en ayant été, surtout quand on est un homme vieux, on a été un sujet, et tout d'un coup, on devient un autre avec un grand A. Et ce qui l'intéresse, c'est de se dire comment ça se fait qu'on arrive à penser notre mort et qu'on n'arrive pas à penser notre vieillesse, qu'on n'arrive pas, que ça nous semble insoutenable de se dire qu'on va devenir vieux. Elle le dit dans l'introduction, elle dit « une voix en nous murmure absurdement que ça ne nous arrivera pas. Ça ne sera plus nous quand ça arrivera. » Et c'est vrai qu'il y a une forme d'incrédulité vis-à-vis de la vieillesse qui est très étonnante, parce qu'elle n'est pas du tout là vis-à-vis de la mort. Et elle se sert d'un concept sartrien de la critique de la raison dialectique que Sartre appelle et elle ensuite un irréalisable. Elle dit la vieillesse c'est un irréalisable, c'est quelque chose que je ne peux pas m'approprier. C'est un échec de la pensée d'une certaine manière, alors que les femmes peuvent se penser comme autres. Et c'est d'ailleurs, en tout cas c'est mon interprétation. C'est pour ça qu'elles consentent à leur soumission, c'est parce que elles consentent à être des autres. Mais alors peut-être juste un point, votre interprétation. Donc c'est ce que vous dites dans le livre, on n'est pas soumise, on le devient. Où on entend la référence à Simone de Beauvoir qui affirme qu'on ne naît pas femme, on le devient. Dans ce livre, vous expliquez que la soumission de la femme à l'égard de l'homme n'est pas naturelle, que c'est une imposée par la société elle-même, mais que les femmes elles-mêmes peuvent consentir à cette soumission. Voilà, pour le dire rapidement. Voilà. Et que la façon dont elles consentent à cette soumission, c'est de consentir à être des autres, donc à être des objets pour les hommes. Alors que les vieux, d'une certaine manière, ils ne consentent pas à être des autres, parce que ça arrive à un moment où c'est déjà la fin. Et ça, je pense que c'est un autre aspect vraiment fondamental de son analyse de la vieillesse, c'est le lien entre la vieillesse et le temps. Parce que, évidemment, on parle beaucoup de l'influence de Sartre sur Beauvoir, mais Beauvoir, elle est, comme tous les philosophes, elle est influencée par des philosophes avant elle, et en particulier, dès ses 18 ans, elle est profondément influencée par Bergson et par l'analyse du temps chez Bergson. Et elle a, donc il y a un chapitre entier qui s'appelle « Temps, activité, histoire », qui est sur la façon dont le temps vécu est modifié une fois qu'on est vieux. Et elle dit, en fait, d'une certaine manière, le passé nous échappe, parce qu'on se souvient plus très bien, et il n'y a plus d'avenir. Et c'est ça, l'altérité de la vieillesse, c'est que on ne peut plus se projeter dans l'avenir, on ne peut plus se dire, voilà, il y a encore tant de choses à faire. Ou en tout cas, ou alors, si on le fait, c'est que on se ment d'une certaine manière. C'est pas vrai que le futur est devant nous. Et donc, il nous reste que le présent, mais même ce présent, il nous échappe. Et ça, c'est quelque chose dont elle parlait dans La force des choses, quand elle dit « J'ai vécu tendu vers l'avenir, et maintenant je me récapitule au passé. » On dirait que le présent a été escamoté. Donc, d'une certaine manière, l'expérience de la vieillesse, c'est l'expérience d'une temporalité complètement modifiée. On n'a plus ni passé, ni présent, ni avenir. Il y a une espèce d'attente que la mort advienne, d'une certaine manière. D'autant que vous le disiez tout à l'heure... C'est dans cette attente-là que se loge la peur, parce qu'une fois qu'elle se reconnaît, qu'elle admet qu'elle est vieille, bah, elle admet aussi que c'est pas si terrible. Enfin, il y a une sorte de, presque de consentement, là aussi, à son âge, comme si le pire résistait dans la projection que l'on se fait de sa propre vieillesse, qui est là encore très bergsonien. C'est une manière de montrer qu'on rate toujours, enfin, que les choses ne font jamais aussi peur que quand elles n'existent pas encore. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, on rate dans la vieillesse, c'est ça qui est angoissant dans la vieillesse, c'est ce sentiment de rater le temps. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose des solutions quand même à la vieillesse. Et que elle dit à un moment, tant que le sentiment intime de jeunesse demeure vivace, c'est la vérité objective de l'âge qui semble une apparence. Et en fait, d'une certaine manière, elle dit que la solution à la vieillesse, c'est de ne pas se sentir vieux, tout en sachant qu'on l'est. Alors, je vous propose qu'on entende le texte où elle le dit, comme ça on pourra le commenter ensemble, si vous voulez bien, parce qu'elle va même jusqu'à parler de la vitalité de la vieillesse. C'est dans la conclusion de l'essai La vieillesse. Alors, écoutons le texte et puis on commente ensuite. Plus que la mort, c'est la vieillesse qu'il faut opposer à la vie. Elle en est la parodie. La mort transforme la vie en destin. D'une certaine manière, elle la sauve en lui conférant la dimension de l'absolu. Elle abolit le temps. Cet homme qu'on enterre, ses derniers jours n'ont pas plus de vérité que les autres. Son existence est devenue une totalité dont toutes les parties sont également présentes en tant que saisies par le néant. Victor Hugo, à la fois et à jamais, a 30 ans et 80. Mais quand il avait 80 ans, le présent vécu oblitérait le passé. Cette suprématie est attristante dans les cas, presque tous, où le présent est une dégradation ou même un démenti de ce qui a été. Les événements anciens, le savoir acquis, gardent leur place dans une vie éteinte. Ils ont été. Quand le souvenir s'effrite, il sombre dans une nuit dérisoire. La vie se défait, maille après maille, comme un tricot usé, ne laissant dans les mains du vieillard que des bouts de laine informes. Pour que la vieillesse ne soit pas une dérisoire parodie de notre existence antérieure, il n'y a qu'une solution, c'est de continuer à poursuivre des fins qui donnent un sens à notre vie. Dévouement des individus, des collectivités, des causes, travail social ou politique, intellectuel, créateur. Contrairement à ce que conseillent les moralistes, il faut souhaiter conserver dans le grand âge des passions assez fortes pour qu'elles nous évitent de faire un retour sur nous. La vie garde un prix tant qu'on en accorde à celle des autres, à travers l'amour, l'amitié, l'indignation, la compassion. Alors, demeurent des raisons d'agir ou de parler. C'est étonnant de voir que Simone de Beauvoir propose une solution. La solution, il n'y en a qu'une, c'est de continuer à poursuivre des fins qui donnent un sens à notre vie. Le lecteur ne s'attend pas à ça. Après 800 pages d'essai, on lui a expliqué la difficulté d'être vieux, comme si finalement le rôle de la philosophe était aussi d'arriver avec une solution. Qu'en pensez-vous, Manon Garcia? Oui, c'est assez troublant. Et en même temps, la conclusion est aussi un moment où elle rappelle que le problème fondamental de la vieillesse est lié au capitalisme. Et en ce sens, je pense aussi que c'est un peu similaire à la conclusion du deuxième sexe, où elle esquisse la possibilité de ce qu'elle appelle une fraternité entre les hommes et les femmes, mais où elle dit, au fond, il faut que les conditions sociales, économiques et politiques le permettent. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'elle propose une solution, mais elle dit aussi, dans les paragraphes qui suivent, que le capitalisme rend cette solution inaccessible à la plupart des individus. Et donc, il y a tout le temps cette articulation du niveau individuel et existentialiste chez elle et du niveau politique et marxiste. Et c'est ça qui est très fort dans sa philosophie et qui en fait un existentialisme politique, c'est que il y a tout le temps cette tentative d'articulation. Qu'est-ce que c'est pour moi que de trouver une solution et en même temps comprendre que cette solution individuelle, elle ne peut pas avoir lieu en dehors d'un changement structurel. Mais c'est sûr que c'est étonnant qu'elle propose une solution et que c'est aussi lié à sa propre perception de sa vie et de pourquoi elle écrit. Et je pense que c'était déjà le cas avec les femmes, qu'elle se propose comme un modèle, qu'elle dit en tout cas, voilà ce que moi j'essaye de faire parce que je pense que c'est la solution. Et donc, de même que dans le chapitre sur la femme indépendante, dans le deuxième sexe, on comprend qu'elle s'identifie à cette femme indépendante, alors qu'elle ne s'identifiait pas aux femmes opprimées qu'elle décrivait, ou en tout cas qu'elle s'identifiait beaucoup moins. Ici, on comprend qu'elle dit, voilà, mais le simple fait que j'écrive ce livre est ma façon de lutter contre la vieillesse dans ce qu'elle a de négatif. De la même façon que le simple fait d'écrire le deuxième sexe était sa façon de lutter contre l'objectification et l'aliénation des femmes. Oui, c'est vrai. Reste que le ton employé, c'est surtout le fait de présenter une solution, C'est peut-être le ton qui surprend, parce qu'elle dit « il faut souhaiter conserver dans le grand âge des passions assez fortes pour qu'elles nous évitent de faire un retour sur nous ». Au fond, ce qui peut paraître troublant, c'est de faire comme si il suffisait de savoir quoi faire pour y parvenir. Comme si, au fond, bien vivre sa vieillesse était une affaire de volonté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est caractéristique du ton de Simone de Beauvoir, ou comment vous le comprenez ? Oui, mais encore une fois, je pense que c'est à mettre en regard du fait qu'elle pense par ailleurs que le capitalisme nous empêche de le faire. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, quand on est privilégié, quand on a toutes les possibilités ouvertes, c'est ça qu'il faut faire, mais d'une certaine manière, c'est un vœu pieux de sa part, puisqu'en même temps, elle reconnaît que le capitalisme rend cette possibilité, enfin, rend cette forme de vie impossible pour la majorité des gens. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, ça a l'air extrêmement normatif, mais que c'est une forme de normativité qui est tempérée par le fait qu'elle pense que ça n'est tout simplement pas possible pour l'immense majorité des gens. Mais je voudrais revenir quand même sur cette idée, parce qu'elle peut paraître très étrange, de la vieillesse comme parodie de la vie, qu'on a vu dans ce passage, parce que c'est très fort, en fait, de dire ça, et de contraster la temporalité de la vieillesse et la temporalité de la mort. De dire, mais en fait, dans la mort, on a tout ensemble. Et d'une certaine manière, c'est une idée existentialiste de dire, ben, une fois qu'on est mort, là, il y a l'essence de ce qu'on a été. Oui, la mort transforme la vie en destin, dit-elle. Voilà, la mort transforme la vie en destin, et Victor Hugo a à la fois 30 ans et 80 ans. C'est ça. Mais la vieillesse, elle décrit plus loin ces vieux qui sont ou bien des démissionnaires, ou bien des caricatures d'eux-mêmes. On voit très bien de quoi elle parle, du fait que c'est la vie en raté, d'une certaine manière. Et c'est ça la parodie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne à vide dans la vieillesse. Beaucoup plus tôt dans le livre, dans la première partie, elle dit « Le problème, c'est que les vieux ne peuvent pas être des bons héros de roman parce qu'il ne leur arrive rien, en fait. » Elle dit « Le vieux est dans l'exis au lieu d'être dans la praxis », donc avec ces termes. Elle dit « En fait, le vieux ne fait plus rien. » Et c'est ça qui est parodique dans la vieillesse, c'est le fait d'être au lieu de faire. Et donc de ne pas exister, le fait d'être au lieu d'exister. C'est très subtil comme idée et assez surprenant de considérer la vieillesse comme une parodie de la vie. C'est pas du tout une idée intuitive. Mais je pense que c'est très fort cette opposition de la vieillesse et de la mort comme conclusion. Et de dire, bah, du coup, il faut essayer de... C'est pour ça qu'elle est normative dans le paragraphe d'ensuite. C'est qu'elle dit comment on lutte contre cet aspect parodique. Et pour lutter, il faut retrouver une authenticité. Donc là, on retrouve vraiment ce concept très fort pour Beauvoir d'authenticité. C'est qu'il faut essayer de regagner l'authenticité d'une manière qui soit elle-même la moins inauthentique possible. Mais elle conçoit en même temps que c'est condamné à rater. Mais est-ce que ça veut dire, puisque vous prononcez le terme d'authenticité, qu'on trouve dans le lexique de l'existentialisme, hein, l'authenticité étant un rapport juste à l'existence, justement, qui n'est pas du côté de la mauvaise foi, disons, que lorsque Simone de Beauvoir qualifie la vieillesse de parodie, elle signifie que celle-ci serait du côté de l'inauthenticité, peut-être de la mauvaise foi, et qu'il dépendrait de nous, des personnes qui sont vieilles, de s'en ressaisir de manière à élaborer un rapport authentique à la vieillesse qui, lui, ne serait pas premier ? On peut le dire comme ça ? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et je pense que c'est, à ses yeux, un des grands points communs de la féminité et de la vieillesse. C'est que ce sont des expériences qui sont, de l'extérieur, invitées à l'inauthenticité. Et elle dit ça quand elle parle de la vie physique des vieux. Elle dit... On dit tout le temps aux vieux qu'ils vont être malades, qu'ils vont souffrir et que, d'une certaine manière, on les invite à l'hypocondrie. Et elle montre que la vieillesse est une invitation à l'inauthenticité de la même façon que les femmes sont invitées à ne pas se concevoir comme des sujets, mais comme des objets et à être trompeuses et à se maquiller et à être séduisantes au lieu d'être authentiques. Et donc, elle essaye d'inviter à s'approprier cette invitation à l'inauthenticité en la retournant et en essayant d'être authentique. Mais je pense que elle voit une distinction entre la féminité et la vieillesse au sens où l'authenticité de la vieillesse à laquelle elle appelle dans ce, mmh. dans ce paragraphe est condamnée à l'échec parce que à la mort. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans la féminité. Et pour autant, puisqu'on a beaucoup tissé le parallèle entre la vieillesse et la féminité, vous êtes d'accord pour dire que ce texte-là, il ne propose pas une vision genrée de la vieillesse. Au contraire, il lui tient à cœur de parler de la vieillesse pour les hommes comme pour les femmes. Oui, et je pense que... Alors, il y a des passages très intéressants où elle oppose l'expérience féminine ouais. et l'expérience masculine de la vieillesse, mais dans l'ensemble, c'est vrai que ce qui l'intéresse, c'est la vieillesse en général, tout en reconnaissant qu'il y a une expérience genrée, mais de même qu'elle pense qu'il y a une expérience de classe de la vieillesse. Elle admet cette diversité des expériences de la vieillesse, mais en effet, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de tracer à la fois des continuités et des différences et de les comprendre. Mais elle pense que hommes comme femmes sont confrontés à cette possibilité de la vieillesse comme dérisoire parodie de notre existence. Et alors que répondez-vous à ceux qui vous objectent que ce texte, comme d'ailleurs le deuxième sexe, qui date quand même de 49, je le rappelle, sont des ouvrages qui n'ont plus la force qu'ils avaient au moment où ils avaient été écrits. Et qu'au fond, sans mauvais jeu de mots, ces textes-là auraient mal vieilli. Je pense que... Alors, sur le deuxième sexe, j'ai expliqué dans un livre entier pourquoi je pense qu'il oui, nous aide énormément. Oui, ce serait presque le sujet d'une autre émission. Aujourd'hui. Mais je pense que ce que vous disiez, ce que votre invité disait hier, c'est que il y a désormais 15% de la population mondiale qui est vieille et qu'en 2030, ce sera 20%. Oui, c'était le cardiologue Philippe Abastado. Oui, vous avez raison. Voilà. Et je pense que, justement, elle commence son livre en disant « On est un pays où 12% des gens sont vieux et il faut s'intéresser à ce que c'est que d'être vieux. » Au contraire, il me semble, et d'ailleurs, je connais des chercheurs qui travaillent sur la vieillesse et pour qui ce texte est un des textes fondamentaux de l'approche qui, maintenant, on travaille avec, par exemple, la vieillesse, comment on comprend ce qui se passe dans les EHPAD à partir de la vieillesse de Simone de Beauvoir et des travaux sur le care et du travail de Sandra Logier, par exemple. Je connais des sociologues qui travaillent exactement avec cette perspective. Donc, je pense que si des experts de la vieillesse et des EHPAD et de la fin de vie pensent que ce texte est fondamental pour comprendre ce qui s'y joue, c'est que c'est pas un texte qui a vieilli, c'est que, au contraire, c'est un texte qui gagne à être relu aujourd'hui à la lumière des enjeux de la vieillesse. Enfin, je veux dire, la crise du Covid a montré que les EHPAD et la façon dont la vieillesse est prise en compte dans les EHPAD et l'expérience subjective que les vieux ont dans les EHPAD est un problème politique. Et je pense que ce texte nous aide à mettre des mots sur l'étendue du problème politique et des solutions possibles à ce problème politique. Et un dernier point qu'on va aborder ensemble, Manon Garcia. Nous avons dit à quel point la vieillesse préoccupait, voire obsédait Simone de Beauvoir à travers toute son œuvre. On va entendre une dernière archive, c'était en 1969, elle était en pleine rédaction, enfin elle avait, je crois, juste terminé son essai sur la vieillesse. Et dans cette émission, elle explique le lien entre la vieillesse et l'écriture, à tel point qu'on se demande si finalement ce ne serait pas le moteur même de son écriture. Il y a des questions que j'avais commencé à me poser dès la fin de La Force des choses également, puisque finalement la vieillesse, j'en approche, et tous mes amis en approchent, et j'ai même des amis qui sont plus âgés que moi, qui vraiment ont déjà abordé cette période de leur vie. Mais il y a aussi l'énorme scandale auquel je suis très sensible, de la manière dont les vieux sont traités dans notre société aujourd'hui, parce que ce sont vraiment les parias de cette société, comme d'ailleurs aussi de la société américaine. Et ici en France, on voit, si on va, je sais pas moi, faire son marché, on voit des pauvres vieilles femmes qui sont là en train de ramasser des morceaux des bouts de laitue, des bouts de ragatons de pommes, n'importe quoi, parce qu'elles n'ont vraiment pas de quoi, au jour le jour, vivre et même simplement manger. Alors, il y a ça, il y a la misère matérielle, il y a la solitude aussi, la misère morale de tous ces vieux. Il y a les conditions de vie dans lesquelles on les oblige à stagner. Et c'est tout ça que j'ai voulu dénoncer. En outre, bien entendu, ça me pose d'autres questions sur un plan qui m'intéresse, le plan en effet de la création littéraire ou artistique ou scientifique à partir d'un certain âge. Et d'une manière plus générale, qu'est-ce que c'est pas seulement que la vieillesse, mais le vieillissement et le changement au cours des différents stades de la vie. Et au fond, c'est une mise en question de la condition humaine tout entière à travers la dernière étape qui est la vieillesse. Et voilà au moins trois causes qu'elle avance qui ont motivé la rédaction de son livre. Sur le plan intime, bah, l'expérience de la mort de sa mère ainsi que l'écriture de la force des choses. Le scandale de la misère matérielle et morale des personnes âgées. Puis sur un plan plus philosophique, la tentative de rendre compte de la condition humaine au fond dans son entier. C'est à la fois très ambitieux, en même temps c'est tout ce qu'elle aura essayé de faire toute sa vie, Manon Garcia. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense en effet et qu'elle a un vrai souci... humaniste dans son écriture, tant autobiographique que fictionnelle, que philosophique, et qu'on la retrouve autour de cette question de la vieillesse. Et c'est vrai que c'est assez drôle, en fait, quand on lit la vieillesse et qu'elle passe en revue. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être vieux pour les peintres? Est-ce que ça les empêche d'être des bons peintres? Et pour les romanciers, est-ce que ça les empêche d'être des romanciers? Et pour les scientifiques? Et bon, globalement, elle trouve que ça empêche un peu tout le monde, sauf les philosophes. Et donc, c'est assez amusant parce qu'on se dit, en réalité, elle essaye aussi de trouver des solutions. Mais elle se demande, en effet, quel impact le vieillissement a sur la créativité et comment ça nous aide à trouver des théories ou au contraire à ne pas les trouver. Et c'est très beau, il y a des pages très belles sur Montaigne où elle montre que, elle dit voilà, Montaigne, sans doute ça lui déplairait de le voir comme ça, mais plus il vieillit, plus son récit est riche et profond et original et extraordinaire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle pense, que la vieillesse peut être une façon d'approfondir la pensée et la connaissance. Mais c'est certain que, en même temps, Simone de Beauvoir n'a pas écrit dans les presque 10 dernières années de sa vie. Elle a arrêté d'écrire. Elle a écrit des textes de circonstances, mais elle n'a plus écrit de grandes œuvres. Donc elle-même, elle est interrogée par cette question de ce que le vieillissement fait à l'enthousiasme de la création. Merci beaucoup, Manon Garcia, de nous avoir parlé de la vieillesse de Simone de Beauvoir aujourd'hui. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Boston, que de vous on peut lire « On ne n'est pas soumise, on le devient » aux éditions Climat et que vous avez préfacé une biographie sur Simone de Beauvoir écrite par Kate Kirkpatrick qui s'appelle « Devenir Beauvoir, une vie de liberté » qui sera disponible en France le 28 octobre prochain aux éditions Flammarion. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Et rappelons, je ne l'ai pas encore fait, que l'essai de Simone de Beauvoir intitulé « La vieillesse » dont nous avons parlé aujourd'hui, Manon Garcia, sort en poche, donc aux éditions Gallimard en folio essai. Un texte donc qui est paru au printemps dernier dans cette édition poche alors qu'il avait été publié en 1970. Une raison de plus pour vous le procurer, chers auditeurs. On se quitte avec François Béranger qui chante « Le vieux ». Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout gris, que la cité a exclu. La rue, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant ne passe que l'effroi du temps. Pour descendre et remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité. Quelle faute a-t-il pu commettre, le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis? Combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable, un geste, un mot, un sourire, pour le raccrocher à nous? La vieillesse nous fait frémir, on ne veut pas croire au pire, nos yeux ne retiennent d'elle une image irréelle. Mon vieux à moi, tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour un détour insolite chez le glacier du coin. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous vous demandez aujourd'hui si les réseaux sociaux ne seraient pas la nouvelle caverne de Platon. La caverne de Platon où des idées partielles et désarticulées se baladent péniblement sur une paroi humide et grumeleuse. Pour voir le vrai, le beau et le bien subir les pires outrages, il suffit souvent d'aller sur les réseaux sociaux. Mais parfois, raconte Platon, un philosophe sort de la caverne, contemple les idées et revient apporter la lumière à ses amis et followers. C'est comme ça, en tout cas, sur Twitter justement, que je suis tombé sur une blague lumineuse l'autre jour qui disait que Twitter était une grille de recherche par force brute qui explore l'espace de toutes les choses stupides qui peuvent être dites et qui sélectionnent les plus stupides. Commentaire laconique laissé en réponse à un tweet qui se demandait si le mouvement Black Lives Matter savait que les Antifa étaient historiquement des alliés de Hitler. Le point Goodwin comme épiphanie spirituelle. Moi aussi, je suis capable d'intégrer les nazis à ma vision du monde. Le point Goodwin, d'ailleurs, dans sa formulation originale, convoque les probabilités. Plus une conversation dure, plus la probabilité que les nazis interviennent se rapproche de 1. Et ce point Goodwin nous ramène, si j'ai bien suivi, à cette idée d'attaque par force brute. Alors une attaque par force brute, en cryptanalyse, consiste à tester une à une toutes les combinaisons possibles, à parcourir tout l'espace des probabilités. 999 par exemple, dans le cadre d'un antivol de vélo basique, ça peut être réglé en moins d'une heure. Par contre, il faut plusieurs milliards de milliards d'années pour un mot de passe avec des majuscules et des caractères spéciaux, quand l'espace des probabilités est très grand. Inutile d'ailleurs d'utiliser un générateur de mot de passe, notre esprit est capable de fournir cet effort sans trop de difficultés. C'est en tout cas ce que démontre Twitter. D'où cette impression de chaos quand on ouvre les réseaux sociaux. L'impression, en tout cas, qu'on teste des choses, qu'on cherche à craquer le code de la bienséance ou de la démocratie. Ainsi récemment, de cette association absolument imprévue entre une cuisinière blogueuse et les attentats de New York. Association quasi aléatoire, attaque du bon sens par force brute. Ça avait en fait très peu de chances de marcher, mais ça a pris extraordinairement. C'est comme si une sorte de brèche était apparue. La chaîne de caractères qui est venue tout déclencher frôlait pourtant l'aléatoire parfait d'un mot de passe idéal 11 septembre. Peut-être manquait-il seulement la majuscule à septembre, mais c'était bien le bon mot de passe. L'attaque par force brute a fonctionné. Le réseau s'est emballé tout seul, un cas d'école. Il a suffi d'agiter quelques ombres, celles des tours fantômes, de remuer un voile, et c'est toute notre conception raisonnée et démocratique du champ politique qui a redégringolé dans la caverne. S'en sont suivies en l'occurrence les traditionnelles insultes, menaces de mort et saluts républicains ambigus à la journaliste, le tout déverrouillé par ce seul tweet. Rarement on aura vu agitatrice si paresseuse ou héroïne de la liberté d'expression si taciturne. Le tout au service de la dialectique épuisante du « on peut tout dire » et du « on ne peut plus rien dire ». Ce qui nous ramène précisément au fonctionnement de Twitter, machine à traiter de l'information, c'est-à-dire à produire ou à privilégier des messages d'un certain type entre le chaos de l'invective « on peut tout dire » et la sérénité inutile de la tautologie « on ne peut plus rien dire ». Le racisme et l'antiracisme comme position également vaine du point de vue de la théorie de l'information. Autrement dit, Twitter comme machine à sélectionner des opinions juste assez outrancières pour être remarquées, mais encore assez mainstream pour être débattues. Le point d'équilibre entre le cri de haine aléatoire et le programme politique détaillé, entre l'aléatoire complet des mots de passe et la probabilité certaine de la référence aux nazis. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant le Goff, en compagnie de Clara de Giovanni, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui réalise pour vous cette semaine sur la vieillesse. À la prise de son aujourd'hui, c'était Michael Simon. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la vieillesse. Demain, on sera en compagnie de l'écrivain Régis Geoffrey, avec qui nous évoquerons les naufragés du grand âge. C'est son expression dans la littérature d'Hugo, de Proust, de Maupassant. Ce sera l'occasion d'évoquer ses écrits qui portent sur la vieillesse, mais aussi les personnages de vieilles, de vieux, on va dire, qui traversent la littérature. Il y aura quelques vieilles aussi. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, abonnez-vous, comme ça vous pourrez les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires à chaque fois. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.